Allô. Ouais. T'es là? Mais t'es où là? Je suis là. Bah, je où suis-je? Je me suis déconnecté. Ok, t'es déconnecté, mais là on commence dans deux minutes, même pas, gros. Ben ouais. Là, c'est la prise. Il y a Kev, il y a tout le monde est là, tout le monde est installé, on t'attend, j'arrive, gros. J'arrive. Fred, mais pour toi c'est fini les vacances, c'est terminé les vacances. Ouh, Planète Rap, ça reprend, c'est reparti. C'est le retour de mon émission préférée. C'est reparti pour une nouvelle saison de Planète Rap. T'as kiffé tes vacances? T'as kiffé tes vacances, Pico? T'as kiffé tes vacances? T'as kiffé tes vacances? T'as kiffé tes vacances? Tu vas kiffer ta rentrée sur Skyrock. Yeah, c'est enfin le retour de Planète Rap. Encore une fois, plus de 500 artistes passeront au micro de Planète Rap. Allo, allo, les auditeurs de Skyrock. Hey, what's up? Un big up à l'émission de référence. Salut. Salut la famille. Salut. Yeah, bitch, c'est Planète Rap. C'est la famille. Planète Rap. Planète Rap. Planète Rap. Planète Rap. Yo, yo. Sky. Je serai sur Planète Rap. On sera là. On sera là. On sera là. Pour t'offrir des centaines d'heures de live. Skyrock Flow. De freestyle inédit et d'infos exclusives. J'ai pas trop d'inspi, mais bon. La nouvelle saison de Planète Rap, ça reprend maintenant. Allez, c'est parti, coup d'envoi de cette nouvelle saison. Bienvenue à vous tous, ravi de vous retrouver. J'espère que les vacances sont bonnes pour ceux qui ont la chance d'y être encore ou ont été bonnes. Pas mal. On est reparti pour une nouvelle semaine. Coup d'envoi de cette nouvelle saison 2014-2015 avec DJ Case. Comment allez-vous? Et ben, et toi? Ça va. En pleine forme, les vacances, ça ressemble à quoi pour Case? Un peu fatigué, c'est pas vraiment des vacances. Mais non, ça. C'est un peu l'utile à l'agréable. Toi, tu as taffé tout le mois d'août. C'est ça. Et c'est pas encore, fini. Et t'es encore en plein taf. On est à J-7 en plus. C'est ça. De l'événement, ça y est. T'es bien, t'es détendu. T'es très détendu, ouais. Paris, Oran, New York débarque le 25 août avec pléiade d'invités. Exactement. Alors là, toute la semaine, on aura le droit à une pléiade d'invités. Ce soir, on a Sultan. Sultan qui est là aussi, pareil, de retour. Ouais. Toujours en vacances, il y a les lunettes de soleil, il n'a pas bougé, Sultan. Ouais. Regardez les lunettes. Ça va? Ouais, ça va, et toi? Eh ben écoute, ça fait bizarre, c'est reparti, hein, mais ça fait du bien aussi. Tout a une fin? Toute bonne chose. C'est pas fini, hein. C'est... Là, on est là, on escale, mais t'inquiète pas, on non, repart. Non, toi, je sais que tu repars. Toi, je sais que tu repars. Bon, Sultan, donc, est sur le projet aussi. Exactement. Pour un gros titre, on a Souf aussi, un artiste qui a fait une excellente musique sur l'album, et Ritza. Et qu'on va présenter dans un instant aussi. On va présenter tout le monde. Le mieux pour débuter et pour vous présenter ce projet, c'est de balancer un petit medley des œuvres de DJ Case tout de suite sur Skyrock. Écoutez. Salut la famille, c'est DJ Case. DJ Case. DJ Case. DJ Case. Cette semaine, je suis dans Planète Rap. Planète Rap. Ça fait pas comme un sport. Exclusively on Planet Rap. J'ai des billes. Soyons les témoins, je profite de ma vie. Toujours avec mes potes, fidèle à ma team. Je me cherche encore. J'ai changé mon déco. Écoute ce son si tu te sens concerné. Écoute ce refrain si ça veut t'apaiser. Yali, je me concentre dans tes bras. C'est la nuit qu'il faut que je m'évade. Y'a quelque chose de mauvais qui contrôle mon esprit. Mon cœur s'est endurci comme si j'étais. Non, non, non, non. Je préfère boire des accusés que celui de la pousse. Je préfère ramasser mon fardeau que le savon à la douce. Me reproche pas de faire des tubes quand t'as pas le niveau. Parce que tu payes pas mes factures, remplis pas mon frigo. Un petit aperçu de ce qui vous attend. Je sais pas c'est qui l'a fait, mais je suis... Bah écoute, on va saluer... Épaté. Damien qui est là, regarde. La qualité du mix. En fait, t'as des excellents DJ ici. T'as vu ça? Bah. C'est donc fini pour toi, je vais dire aussi Rail Suprême. Je vais t'apprendre cette mauvaise nouvelle. Je me suis fait remplacer. Puisque évidemment, DJ Case, vous le retrouvez aussi pour Rail Suprême. Et bah, hier soir, il y avait l'émission. C'est ça. Ça a pas arrêté de l'été, ça continue même dimanche prochain. C'est non-stop. C'est entre minuit et une heure sur Skyrock, évidemment. Mmh. Et là, on va découvrir donc ce projet. Alors, si tu devais résumer rapidement le projet. Alors, le projet, il y a 25 titres, ouais. Inédits. Alors, Paris en New York, à la base, c'est une marque qui existe depuis 2005. Et c'était donc sous format mixtape, c'est-à-dire que je prenais les sons d'été qui cartonnaient, qui marchaient bien, je faisais un condensé et avec une qualité de mix et tout ça. Et ça m'a fait connaître comme ça. On faisait ça dans les réseaux un petit peu client court, Châtelet Léal, mis sous format mixtape. Et on s'est fait connaître premier volume, deuxième volume, troisième volume. Et puis l'idée était venue de faire l'album Paris en New York avec que des titres inédits. Donc c'est toi qui as fait les prods dessus ou tu t'es entouré Moi et je me suis entouré de beatmakers aussi. Je pense qu'on va en découvrir cette semaine. Bon, et donc quelques noms. On connaît évidemment du Swag, on va débuter avec dans un instant avec H Magnum et Maître Gims. Quelques noms aussi qu'on peut retrouver sur Paris en New York. Bien sûr. Alors les principaux et ceux qui on a fait découvrir depuis à peu près deux mois, il y a Jnune, c'est avec Rimka, Jules et Diesel. Il y a un morceau aussi de Jules et qui s'est fidèle à ma team, Sultan, Abu Dhabi, Ken Zafara aussi est sur le projet avec Fatman Scoop et Diesel. Le titre c'est Matrixé, c'est un gros titre. On va clipper à la rentrée. Et El Matador, Copacabana, L'Algirino, y a qui encore, Mokobe, Dry, l'artiste aussi, il y en a plein en fait. Et puis nos invités ce soir Mister aussi, you, qui voilà, sont là. Les invités Souf, Ritza. Ritza qu'on va découvrir et qu'on va présenter dans un instant. On débute avec du Swag. Après, pour mieux te connaître aussi pour les gens qui vont découvrir DJ Kaze, on va faire un petit vrai ou pas. On a récupéré plein d'infos qu'il y a sur le net. C'est que sur le net, il y a tout et n'importe quoi. D'accord. Je vais te soumettre quelques choses qui sont apparues quand on tape DJ Kaze. D'accord. Donc tu me diras si c'est vrai ou pas, tout simplement. Ok. On le fera dans un instant, juste après avoir écouté du Swag. Bienvenue à vous tous. C'est le retour de Planète Rap. La sap ou bien de la marque. Je sais pas si tu remarques, mais c'est évident qu'il te faut du Swag. Marion en New York. Juste dans le record. Ça fait pas comme un spoil. Yeah. Ça prend des piges et des piges. J'ai dit c'est. J'ai dit pas d'avoir de la sap. De la sap ou bien de la marque. Je sais pas si tu remarques, mais c'est évident, il te faut du swag. Du swag, baby. Du swag, ça fait pas comme un spoil. Du swag, ça prend des piges et des piges. Des décennies. Demande à Skalpovic, trop de Lucy. J'kick ça de Zbi, prends mon Yevi. Tu veux du swag, il te manque ce truc qui fait que soudain tu te démarques. On se fait pas remarquer, on est remarquable. Faut le dire, personne nous rattrape. Swag et même on peut si je reste. Fais ça, merci, passons. Trop de compliments, pourtant j'allais juste pisser. J'ai tissé ma toile comme piqué. L'expliquer c'est trop compliqué. Être chic c'est pas l'échec. Et qu'est-ce tu perds la tête. Mais au fait quitter. T'aimerais nous côtoyer. T'es sur la liste rouge. Sur la piste tu bouges. Mais t'as pas de groove la loose. Ok ok t'as des loves. Mais t'as pas le level. T'as mis un LV. Putain. Je sais pas d'avoir de la sap ou bien de la marque. Je sais pas si tu remarques. Mais c'est évident qu'il faut du swag. Du swag. Baby. Du swag. Ça fait pas comme un spoil. Du swag. Ça prend des piges et des piges, des décennies. Suffit pas d'avoir de la sape ou bien de la marque. Je sais pas si tu remarques, mais c'est évident. Il te faut du swag. Du swag, baby. Du swag, ça fait pas comme un spoil. Du swag, ça prend des piges et des piges, des décennies. Ça fait du hip hop, tip top. Personne ne nous stoppe, c'est chic shop. Un hip hop, petite frappe ton style à l'odeur d'anti. Je l'ai déjà dit, nous tester ne venez jamais. Toi t'arrives en poney, moi je repars en jumeau. Une pour ma mate de cliché, la famille Tuna. Zim Zima, encore un son de sonar. Tu te prends la tête avec ton survêt d'arbitre en latex. C'est dans le sang la tech, même quand jardine sans lacet. Je t'ai pas d'enlacé, j'ai toujours un padio dans l'assiette. T'aimerais enlacer, mais ce soir le physio t'a rappelé. Je sais pas d'avoir de la sap ou bien de la marque. Je sais pas si tu remarques, mais c'est évident qu'il te faut du swag. Du swag, baby. Du swag, ça fait pas comme un spoil. Du swag, ça prend des piges et des piges. Du swag, des décennies. Je sais pas d'avoir de la sap ou bien de la marque. Je sais pas si tu remarques, mais c'est évident. De la sap ou bien de la marque. Je sais pas si tu remarques, mais c'est évident qu'il faut du swag. Du Soprano. Gotham City. Gotham City. T'es pépé, t'es pas prêt. Gotham City. Assis. Pardon, excusez-moi. Ah mais là c'est Chicha Club hein. Oui. Merci d'ailleurs celui qui nous a apporté les chichas. Alors c'est le Velvet Lounge, c'est le 19e arrondissement rue de Crimée. Le numéro combien? Hein? 146. Voilà, 146 dans le 19e. Voilà, comme tu peux le constater, c'est des chichas excellents. Moi j'en ai une kiwi menthe là. Ah, c'est ça. Un vrai petit plaisir. Big up à Ali. Je rappelle que fumer et tuer, etc. Enfin bon, vous connaissez évidemment. Il y a notre ami Crimo aussi qui est là. La villa, on le retrouve. Le célèbre Crimo qui nous met bien dans Rail Suprême, voilà. Qui est là aussi et qu'on salue. Exactement. Là, bon. Il est de congé aujourd'hui, demain il va ramener. On va faire concurrence de Chicha. Ça, c'est un morceau qui a beaucoup tourné cet été, celui-ci, cet été, du Swag. Ouais. Là. J'ai pu le remarquer en fait dans mes performances en début août. Donc dans les lives, j'ai pu voir que, puisqu'au début, quand je testais le son, bon, ils le connaissaient pas encore. Et c'est là qu'on voit. Et là, t'as vu que la force ça prenait d'un seul coup. Skyrock et que voilà, les gens le connaissent et ça fait vraiment plaisir. Bon, ouais, c'est vrai que t'as beaucoup tourné. Tu pars encore d'ailleurs en tournée aussi. C'est ça. En fait, je suis toute l'année en tournée, mais là, l'été et en fin d'année, vers le jour de l'an, c'est là où c'est vraiment speed. Bon, dans un instant, on va parler avec Sultan et les invités qui sont là. Il y a Ritza, il y a Souf qui sont là aussi, qu'on va vous présenter dans quelques minutes. Ouais, juste avant, pour mieux faire connaissance avec DJ Case, vous le savez, sur le net, on trouve de tout et beaucoup de n'importe quoi aussi. Ouais. Donc, tu vas nous dire vrai ou pas, c'est ce qu'on a vu avec DJ Case quand on a tapé DJ Case aujourd'hui. On est tombé là-dessus. Dernière en date, Brandao qui a déclaré c'est le son du Swag qui lui a donné envie de casser le nez de Thiago Motta à la fin du match PSG-Bastia, car selon lui Motta n'avait pas assez de Swag. Ah. Alors est-ce que c'est vrai ou pas? Moi je reviens de Tunisie, j'ai pu voir par Wifi à l'aéroport, j'ai vu des images, ouais, il a fracassé. Ouais. Ah ouais, j'ai pas touché, là il peut pas dire le contraire, là j'ai touché. Mais hein. Du Swag n'appelle pas à la violence. Non, exactement. Swag, c'est beaucoup de soleil et du Swag. Donc c'est faux, c'est bidon, c'est un truc bidon du net. Bon, autre info, tu es fan de funk. Oui, on a pu le constater avec du Swag, ouais. Ouais. Notamment, mais c'est vrai que c'est quoi les influences de DJ Case? Qu'est-ce qui t'a poussé à la musique, à devenir DJ? Moi, j'ai commencé dans les années fin 90, 98, 99, et cette époque-là, c'est l'époque Notorious Big, Puff Daddy, donc le R&B. Aujourd'hui, qu'on appelle le R&B old school, et bien sûr, bercé par la funk. Donc, c'est une info vraie. Si vous voyez ça, c'est vrai. C'est validé. Mm-hmm. Autre info qui risque d'être vraie. Tu es devenu DJ parce que tu as écouté les émissions de Cut Killer. Exactement. Donc Cut, référence pour toi? Très grosse référence. Ouais. Il y avait Cut Killer et DJ Abdel. Donc on écoutait, on kiffait les cassettes, donc c'est vrai. Et Cut Killer qu'on trouve aussi sur Skyrock. Exactement. Avec toi le week-end, le samedi 22 minuit. Autre info sur DJ Case, vrai ou faux? Il paraît que tu devais être dans Secret Story 8, mais t'as refusé. Faux. Et le secret devait être le soir, je me transforme en genouné. Ah, pas mal comme transition. Pas mal comme transition. Donc c'est faux? Ça, c'est totalement. T'as pas proposé, c'est dommage. Non. Bah, tu sais, on préfère être dans Planet Trap que dans Secret Story. T'aurais pu être avec une meuf qui s'est tapée Michael Jackson, enfin, du très très lourd. On laisse ça à Momo. Comme d'habitude. Momo aime beaucoup les femmes. Bon, bah écoutez, genouné, parce que c'est aussi un des morceaux, genouné, c'est-à-dire posséder, hein, c'est ça? Ouais, c'est un peu la définition. Posséder. De genouné, on va l'écouter dans un instant ce morceau, on finit juste sur les infos vraies ou faux du net. Il paraît que t'as collaboré sur le morceau Sobri de Amine. Non, en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y avait eu une fuite sur internet en 2002-2003 de ce titre et c'était la version qui était pas aboutie que j'avais mis sur une mixtape et un an avant et ce qui avait un petit peu fait le buzz sur Amine qui n'était pas encore connu. Ouais. Très bien, donc voilà pour en savoir un petit peu plus sur DJ Case. On va continuer à parler avec toi, avec tes invités dans un instant. On met le genouné. Allez, on balance genouné, c'est extrait. Donc c'est Jules, Rimka et Diesel. Et ça sort dans une semaine, on est à J-7. Le 25 août, ouais. Avant la sortie de Paris, Oran, New York. Et c'est reparti pour Planet Rap ce soir en direct, 20h08. Paris, Oran, New York, Rimka. Paris, Marseille, sous la cartouche. 9-4, fond vert. Nous n'est comme mes petits sous le casque, arrête, me calcule pas, je suis bourré. Toi et moi, c'est pas pareil, ils sont toujours en bande. Dans la poche, le grand d'arrêt. Poursuite entamée, ça double sur la bande d'arrêt. Je suis genouné, j'ai du mal à dire mes amours. Tout dans le game, j'arrive, ils ont la mort. Ici, c'est le 13, poteau, j'arrive qu'à couler ganté. Dans le rap, y'a trop de victimes qui jouent les brigantés. Chicha, papicha, allume le bon char, un peu de weed dans un beau cas. Que du V12, que du gros char. On veut du gros cash, la tête camouflée. Sous une écharpe, sur le boulevard. En marche arrière, en gros BM. Au-dessus des lois, au-dessus du game. Mon passé parle pour moi. La sphère du cambouis sur les mains, je viens réparer une courroie. Baby, ah baby, j'ai les idées en place. Parfois je dérape, trop de changements d'humeur. Dans mes attitudes, J'suis sur les nerfs, c'est dans mes habits. Tu dirais bien faire un tour dans la ville, me changer les idées. J'entends cette petite voix dans ma tête qui me dit enja et toi. J'suis perturbée, j'm'évade dans mes pensées. J'suis trop préoccupée, j'suis comme ça. Écoute ce son si tu te sens concerné. Écoute ce refrain si ça peut t'apaiser. Écoute ce son si tu te sens concerné. Écoute ce refrain si ça peut t'apaiser. Yeah, j'me concentre dans tes bras, c'est la nuit qu'il faut que je m'évade. Y'a quelque chose de mort. Mon cœur s'est endurci comme si j'étais je fais des concerts au Hebs, des frérots préparent la chauffe, des gamelles terre, top chef, big frappe de 30 mètres comme Yaya Touré. J'arrive toujours à l'heure où les gens sont bourrés, vitres et lunettes fumées. Au feu rouge, donne toujours une petite pièce sur une plage. En Espagne, je fais la sieste. On fracture les portes, on parle en coque. Parlons euro, parlons business, parlons tout. Mais t'as vu le talent, je fais une gaousse, on parle galage. Perdu, je suis en décalage, fini riche dans un palace. Rime cadoule, t'entends le son, tes genoux nés. Comme ce mec qui rote sans cagoule pour fumer. Olé, man, j'suis avec ma team sur Pana. J'vis, j'vois, j'ai mal pour oublier, j'fume le cas. DJ Guy, ça t'aute, t'as pas la tête, même côté. Tu veux te faire une place, mais c'est pas de boycotter. Baby, habibi, j'ai les idées en place. Parfois, je dérape trop de changement d'humeur dans mes attitudes. J'suis sur les nerfs, c'est dans mes habits. Tu dirais bien faire un tour dans la ville, me changer les idées. J'entends cette petite voix dans ma tête qui me dit enja et toi. J'suis perturbée, j'm'évade dans mes pensées. J'suis trop préoccupée, j'suis comme ça. Une envie de faire un murder. J'suis perdu, j'vois des choses qu'il faut pas. J'ai vraiment peur de faire un faux pas. Dites-moi ce qui ne va pas. Diesel. Dites-moi ce qui ne va pas. DJ Case. Dites-moi ce qui ne va pas. Rimka. Dites-moi ce que je ne vois pas. June. Dès que je suis tourné. Baby, habibia. J'ai les idées en place. Parfois je dérape trop de changement d'humeur. Dans mes attitudes, j'suis sur les nerfs, c'est dans mes habits. Tu dirais bien faire un tour dans la ville, me changer les idées. J'entends cette petite voix dans ma tête qui me dit enja et toi. J'suis perturbée, j'm'évade dans mes pensées. J'suis trop préoccupée, j'suis comme ça. Écoute ce son si tu te sens concerné. Écoute ce refrain si ça peut t'apaiser. Écoute ce son si tu te sens concerné. Écoute ce refrain si ça peut t'apaiser. Yeah, j'me concentre dans tes bras. C'est la nuit qu'il faut que je m'évade. Y'a quelque chose de mauvais. Mon cœur s'est endurci comme si j'étais j'dounais, j'dounais, j'dounais. 2-0-1-4 Marseille, Panama. J'dounais, j'dounais, j'dounais. Juste bon. Jnounet à l'instant, ouais. Paris au rang New York dans 7 jours. C'est quoi, c'est le prochain extrait celui-ci de... C'est celui-là. Avec Rimka, avec Jules. Et Diesel, ouais. Et Diesel, qu'on écoutait. Diesel était venu d'ailleurs dans un rail suprême. Exactement. C'est, jeune artiste. Zafara, ouais, nouvel artiste. Nouvel artiste avec qui a énormément de talent. Bon, et qu'on pourra découvrir certainement dans la semaine aussi. Exactement. Entre 20h et 21h, le Planet Rap, c'est reparti. Coup d'envoi de cette saison 2014-2015. Ouais, ça fait plaisir de faire la première. C'est toi qui fais l'ouverture. Merci beaucoup. Avec Sultan qui est là aussi. Sultan 9-2. 9-2. Toujours. Un petit mot sur Sultan, Case. Pourquoi tu l'as convié sur Paris Oran New York? Bah, parce que déjà, c'est j'aime beaucoup ce qu'il fait. C'est un kicker, un vrai rappeur. Sultan, tu peux mettre bien ton casque parce que nous allons avoir des petits soucis, tu connais. Les Larsen. Mettre à l'américaine, mais bon. Là, cette année, je vais rien laisser passer. Les Larsen, il n'y en aura pas, je vous le dis. Donc, d'une part, par rapport à son talent, et d'autre part aussi, on a des amis en commun, Big Up à Crimo. Et on a fait des tournées ensemble, et voilà, le feeling est super bien passé. Donc, lorsque tu fais des projets de ce genre-là, donc c'est. T'as des invités, donc tu les invites. T'en as qui viennent très rapidement, dont Sultan. D'ailleurs, ce que j'étais en train de lui dire, c'était le mec qui a posé le plus rapide. Donc pour des DJ producteurs comme moi, c'est des artistes comme ça dont on a besoin. Il est venu avec son scooter, porte des prochain leaders, volet de Paris en New York, 25 morceaux avec toi. Ouais, bah ouais, y a pas de souci, moi. Bon, ça va aller très vite. Ça a duré une heure. Hein. C'est quoi, toi, quand t'acceptes de poser, c'est quoi? C'est parce que c'est récréation? Non, parce que là, en plus, tu bosses vachement sur ton projet. Exactement. Mais quand j'ai posé sur l'album Akai, j'étais en même temps en train de faire l'album Team BS et mon album solo. Et le truc, c'est que, bah, tu vois, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup humainement, au-delà de la musique. On a passé pas mal de dates l'été dernier ensemble. Donc quand il m'a proposé le truc, je pouvais pas refuser, tu vois. Même artistiquement, j'ai vu ce qu'il valait, tu vois, à travers ses showcases en boîte, tout ça. Donc voilà, lourd. Et quand tu viens, c'est quoi? Tu pars avec un autre état d'esprit, t'es pas dans ton album, il m'avait envoyé la prod. Et la prod, elle m'a mis direct dans le délire du projet. Le morceau s'appelle Abu Dhabi. Abu Dhabi, voilà. C'est ça. D'accord. Donc voilà. Un endroit que tu connais bien, Abu Dhabi, Pas du tout. Non. Toi, Kay, ça a été mixé un peu? Non, on va aller ensemble, je pense. Non. Pourquoi là, pas? J'ai été à Dubaï, mais pas à Abu Dhabi. Tu repars d'ailleurs, toi, sur le temps, là? Ouais, demain, je suis direction Marrakech. Voilà. Bien. Pas mal. Ouais. Bah, j'ai croisé ces flyers hier. Moi, je reviens de. J'étais en Tunisie et on a vu. Donc, on se croise. À travers les affiches, voilà, on arrive à suivre affiches. Le parcours. Oh, tiens, merde, il est là, je suis parti. Merde, il arrive. Et puis, il a la chance de repartir demain. Bon, moi, je repartirai bien. Le week-end prochain. Pour tous ceux qui nous écoutent, peut-être du côté aussi de Marrakech, bah, débarquer pour voir sur voilà. C'est quand? C'est demain ou je... Non, c'est mercredi. Mercredi soir. Au saut. Voilà. Et bah voilà, mercredi soir pour retrouver Sultan pour ceux qui ont la chance d'y être. Yeah. N'hésitez pas à aller rendre visite à Sultan. Et puis sinon, donc l'album en ce moment, Sultan, c'est quoi? Ouais, je suis en l'ambiance. Train. Là, je me prends la tête sur l'album. J'ai envoyé, on va dire, un morceau hors série de l'album il y a une semaine de ça qui s'appelle Que de la Peufra. Ouais, qu'on pourra écouter peut-être tout à l'heure d'ailleurs. Ouais, un feat avec Ixo. Donc le morceau, il a. Franchement, il est en train de buzzer là. Il est presque à 1 million déjà en une semaine. Donc voilà, lourd. Continue à booster, ça fait plaisir. Et ben on ira écouter. Je sais pas, t'as un live de prévu aussi ce soir? Ouais, je vais faire un petit live. Un petit live. Un petit truc. Tranquille. Un mois de rentrée. Dans un instant, on passera aussi un autre morceau. Ce sera le, bah tiens, le morceau de Sultan Abu Dhabi. Exactement. On va le mettre juste après la pub. Et petite question pour repartir avec votre, votre album Paris au rang New York. Pour les auditeurs de Skyrock, vous envoyez avec le hashtag DJ Case sur Skyrock au 41759. Hein, ceux qui envoient la réponse par SMS avec votre prénom, numéro de téléphone. Combien de titres inédits sur Paris, Oran, New York? J'ai envie de dire, c'est cadeau, c'est donné. Mm. On n'a pas arrêté de le dire. Donc ça, c'est ta question? Oui, c'est. Tu donnes pas la réponse. Tout de suite. Combien de titres inédits? Il y en a 25. Il a niqué le concept. À quoi ça sert? On est là depuis 15 heures, mec. On bosse comme des fous. On se dit, putain, quelle question on va poser? C'est peut-être une réponse piège. Ah. Eh ben, n'hésitez pas à envoyer la réponse. Ou alors, c'était un très très bon indice de DJ Case. 41759. On peut avoir d'autres questions pour eux. Hein. Non, fini. Demain. Le hashtag DJ Case sur Skyrock. En même temps, c'est la rentrée. C'est cadeau. On y va tranquille. Là, les gens ont besoin de son. Pour ceux qui sont rentrés ou ceux qui sont encore en vacances. Donc, ne loupez pas Abu Dhabi. Ça arrive juste après la pub. Comme toi, DJ Case a choisi Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. C'est Planet Rap, spécial DJ Case avec Sultan, Paris, Oran, New York, Abu Dhabi. J'ai 9 sur le blason, jamais les murs nous rasons. Chez nous le terrain est glissant, ramasse pas le savon. Comme si mes jeunes du 19, sur ton mic c'est bavon. Faut que les esclaves de l'État qui prennent le peu que nous avons. Le but c'est demander pardon, tant qu'on est sain et sauf. Si ta reçu me kiffe, pas pour autant que je serai ton pauvre. Ma génération, je la distance avec un tour de chauffe. Tu feras pas long feu si tu vois de quel poids je me chauffe. Ils se mettent à manger du moco pour rapper comme un como. Que les alouf mettent au sticker s'ils me font ma meilleure promo. J'ai fait couler des litres de France pour étant faire des tonneaux. Si toutes mes rimes seraient imagées, je serais une star du porno. Remis en lumière, ils veulent baisser les stars. Personne me masse là-dessus, moi je m'en fous d'être une star. Comment être un bon vivant en ayant tant de morts? Entre nous, y'a un fossé, j'ai creusé mon écart. Pas que les caseurs flotteurs qu'on tendance à Keblo. J'ai pas compté sur Apple pour espérer qu'écro. J'ai mon train de vie au bout des lèvres, sort des bouches de métro. Si les gros, c'en est trop, je regarde pas le rétro. En nous y'a tellement de traces, pourrait en faire des locks. La haine même dans le caleçon, je pourrais t'en faire des locks. Je te parle de la jungle parce que la douche vient c'est féroce. Je me rappelle des cafards égarés dans mes Kellogg's. Je trouve le temps de poser, je trouve pas le temps de mes épaules. Il m'arrive pas à la vie, je veux pas laisser avec des épaules. Je sais ce que j'ai à faire, je pense que j'ai à prendre. Professeur Sultan, la nouvelle G, je vais leur apprendre. Je préfère le banc des accusés que celui de la touche. Je préfère ramasser mon fardeau que le savon à la douche. Me reproche pas de faire des tubes quand t'as pas le niveau. Parce que tu payes pas mes factures, remplis pas mon frigo. Plus de temps paraît-il. paraît-il, je fais la star. Plus le camp, paraît-il, je fais la star. Plus le camp, paraît-il, je fais la star. J'envoie tellement du lourd, ils font pas le point, moi je veux que tu pèses. Plus le camp, paraît-il, je fais la star. Plus le camp, paraît-il, je fais la star. Plus le camp, paraît-il, je fais la star. On retourne les gonfales, ils te pointent, monte à DJ Case. C'est DJ Case, notre invité toute la semaine, Paris et Oran, New York. Exactement, avec le morceau. Avec ce gros son de Sultan. Le Sultan. Titre, Abu Dhabi, et c'est featuring Elissa Attier, donc une super belle voix. On a fait un peu style Bollywood. Et sur une prod de Soundchecker. Très bien, mais je vois qu'il y a de nouveaux invités que je n'ai pas vu depuis longtemps, qui sont de retour dans, très, studio, très longtemps, ouais. Dans le studio de Planète Rap. Ouais. C'est une jeune fille qui s'appelle Sana, comment ça va? Bah, ça va, très bien. En pleine forme? Ouais, je pète la forme. Bah, toi, tu es présente avec Ritza qui est. Dans le coin aussi, je suis là. Je suis juste à côté. Ça va? Ça va et toi? En forme? Tranquillement. Et bah, petit CV Express, bah tiens, pour Ritza, on commence tout de suite. C'est bon, c'est parti alors, hein. Allons-y. Bah, vas-y, je t'écoute. Ton petit CV Express. Mon petit CV, bah, j'ai sorti un premier album il y a pas longtemps. Mmh. Et là, j'attaque déjà le deuxième, donc qui va sortir en début février, je pense. Et voilà, donc ça vient du net et on avance doucement. Très bien, donc tu as rencontré Sana aussi. Voilà, Sana, ouais. Grâce à DJ Case. Mmh. Sana, CV Express, alors moi je t'ai connu avec Cefiu à l'époque du G8. Exactement. Ça va bien Sana depuis? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc j'ai terminé mon projet donc avec le G8. Après, comme on a pu le savoir, j'ai arrêté avec le G8. Donc j'ai quitté le G8, je suis partie. Et donc après, entre-temps, j'ai mis un peu tout ça de stand-by parce que j'ai eu un bébé. Ah bah merveilleux. Donc voilà, j'ai pris le temps de m'occuper de mon enfant. C'est bien aussi? Ouais, c'est très bien. Franchement, j'en avais besoin et ça m'a fait beaucoup de bien aussi. Donc là, tu reviens motivé? Je reviens, ouais, motivé comme jamais. Sur le projet, toi, le choix de Ritza et de Sana Case, un petit mot sur le morceau qu'on va écouter dans Ritza, déjà, il est dans le label avec lequel on fait le projet. C'est Juste un Record, donc dédicace à Juste et Tony. À Juste et à Record. Juste Record. Et pour Sana, c'est déjà on se connaissait à l'époque avec Cefiu et puis elle a kiffé aussi la prod et puis c'est des choses qui se passent en studio, on était dans le même studio et voilà, ça s'est fait. Le morceau s'appelle Dima, on va l'écouter. Dima, juste avant, j'ai posé une question très compliquée juste avant la pub. Combien y a-t-il de titres inédits dans Paris Oran New York? Et ce n'est pas Case qui a filé la réponse, mais Walid de Libercourt. Salut Walid. Salut. Ça va, en pleine forme? Ça va, enfin en bloc, ouais, et toi? Bienvenue pour ce retour de Planète Rap avec DJ Case. Paris Oran New York qui sort dans une semaine, combien y a-t-il de titres inédits? 25, a priori c'est la bonne réponse, c'est confirmé. Hors taxe. Voilà, c'est confirmé, c'est validé, c'est ça. Bon bah il a gagné alors. Et bah voilà, tu repars avec ton album dédicacé, il est pour toi, on t'envoie Walid. Merci, ça fait plaisir. En vacances toujours Walid ou boulot? Non, moi je travaille. Taf, bah écoute, bon courage, bon courage à toi. Merci, il y a moyen de passer vite fait une petite dédicace? Vas-y, on t'écoute. Bah vas-y, je vais passer une petite dédicace donc à ma mère qui est en train d'écouter, à ma copine Steph. Et à toute l'équipe Crumble. Voilà. Ben, salut tout le monde, Crumble, maman qui écoute, et toute la famille. Merci à toi, Walid. Salut, merci, Walid, bravo. Allez, salut. 25 titres inédits. Exactement. Donc, on répète que c'est déjà en précommande sur iTunes. On peut aller tout de suite. Pour seulement 6,99€. Donc, c'est. Par contre, là, c'est TTC. Ouais, pour moins de 7€. Exactement, c'est un double 25 CD. Titres inédits, ça le fait. Voilà. Bah, ouais. Allez-y, allez cliquer. L'album paru au rang New York. On a toujours gâté notre public depuis. Pour la petite info, j'étais sans prétention le premier à avoir mis une mixtape en téléchargement gratuit sur le net. C'était en 2005 ou 2006. Et puis ça avait fait un boom. Et puis ça arrive qu'on. Depuis l'inflation, la crise, donc maintenant moins de 7€. ça, on s'adapte. Voilà, on s'adapte. Bon, on écoute le morceau d'Ima. Allez. Avec Ritza, avec Sana, c'est maintenant sur Skyrock. C'est parti. Mélange respect, confiance, c'est bon, c'est validé. Tu soutiens, mais tu comprends l'idée. Faut qu'on prenne notre envol, explosé le front au sol, homme les faux combis. J'attendais que mon leur sonne, que tu m'illumines. Trop jaloux, laisse tomber, viens on fait notre vie. J'ai des envies d'ailleurs, viens on change de ville. Ennui, continue ma life, on accélère. Laisse les sous place et on gagne le paix. On s'évade, moi je suis des pères. Il faut qu'on parte loin de cet enfer. Ça change pas, non, on reste fiers. Y'a plus le temps, fais tes affaires. On s'évade, moi je suis des pères. Emmène-moi loin de cet enfer. Une seule envie, c'est d'atterrir. Mais va t'es loin vers d'autres horizons. Te découvriras toutes les saisons. Pour oublier notre passé, laissez-moi juste m'évader. Je voudrais seulement voyager. Je voudrais seulement tout quitter. Afin qu'on puisse tout partager. Pour ça, il va falloir décoller. Pour ça, il va falloir faut du mal life, on accélère. Laisse les sous place et on gagne le paix. On s'évade, moi je suis des pères. Il faut qu'on parte loin de cet enfer. Ça change pas, non, on reste fiers. Y'a plus le temps, fais tes affaires. On s'évade, moi je suis des pères. Emmène-moi loin de cet enfer. Extrait de Paris au rang New York à l'instant, ouais. Ritza avec Sana. Le titre c'est Dima. Dima, Ritza qui est là aussi avec Sana ce soir dans le studio. On est là. Pas loin, on est là. Entre 20 et 21, toi donc Ritza, un prochain projet qui arrive bientôt aussi. C'est ça, début février, deuxième album. Qui s'appellera, t'as déjà le nom, t'as déjà tout. Je cherche encore. D'accord. Sana, donc toi, alors, comme tu es de retour. Tu chantes en ce moment ou en studio ou plutôt en écriture? C'est plutôt, voilà, je réfléchis à de nouveaux thèmes, les écritures aussi qui reprennent. Bon, c'est vrai que là, on va dire que je vais reprendre doucement mais sûrement. Mais bon, en tout cas là, sur le projet de Case, ça marque ton retour en tout cas. Voilà, en tout cas, ça marque un très très bon retour. Très bien. Je pouvais pas arriver mieux. Le morceau, on le retrouve dès le 25, la semaine prochaine, dans les bacs. Exactement. Et en téléchargement, dès maintenant, vous pouvez cliquer pour moins de 7 euros, j'ai bien retenu. C'est ça. La leçon. Allez, cliquez dans un instant, on vous présente Souffle. C'est ça, Souffle. Qui va s'installer, mais juste avant, attends, là, il est là. Il est déjà là. On va vous le présenter. Premier de la classe. Juste avant, freestyle par téléphone, le premier à ouvrir le bal de ces freestylers, c'est Yanis F2L de Sartrouville. Salut Yanis. Ça va, Fred, ou quoi? Eh ben, c'est reparti, nouvelle saison avec toi, Yanis. Ouais, c'est reparti, on va voir ce que ça donne, hein. Bon, attention, je vais compliquer parce que c'est vrai qu'à chaque fois, on dit freestyle 1:30 et parfois ça part dans les 5 minutes, 4-5 minutes. Donc attention, cette année, je vais sévir. C'est-à-dire qu'au bout d'une 30, vous entendrez ça. Oh. Est-ce que tu peux relever le défi, Yanis? Ouais, bien sûr. Est-ce que tu peux nous faire un bon freestyle compact qui défonce en 1:30? Vas-y, ça marche. Comme allez, tu essayer, c'est vas-y. Parti, coup d'envoi, on y va. Vas-y. Ok. 1. Frère de l'ombre, Flemme Crew. Sous le toit, DJ Kyle. Paris, Oran, New York. Ok. Sartrouville. F2L. 1. Brah. Y A N I S. Ok. 1. Check. Ok, je rappe très vite, mais je rappe terrible. J'attaque ta meuf, appelle-moi John Terry. J'infecte ta musique comme une bactérie. Eh, MC là, c'est mieux si tu bactéries. Ok, baisse ta vitre, tout back. Qu'est-ce qui t'arrive, t'es tout pâle. Même dans les zones arides, moi je suis tout pâle. Gros, t'es béton rapide, toi t'es tout nazi. Y-N-I-S, c'est le blasphème, mec. Pas par religion, si tu blasphèmes. Faire un feat avec toi, la flemme. Si tu sais pas quoi dire, la ferme. On est quitte, dans ces cas-là, on s'évite. Dans chez Gabbana, Italie. Quand je t'appelle, t'es pas là, maintenant fais ta vie. Ferme mes origines, des Z. t'es nulle part, on t'entend plus, ton bain dépaumé, tes airs, et t'es fier de toi, fils de, si t'as pas l'oseille, tu perds, pas, quand tu vends tes disques à baisse, barre, négro, j'assassine quand je débarque, dommage, j'accélère avant le départ, t'es des débarques, que de la cocaïne, ouais, sur mon bureau, tu percutes tous les M qui passent en faire du rap sale, c'est mon boulot, ok, j'ai enculé tout le rap game, ta pète, c'est toi et ta team, j'assassine, je veux pas qu'aime pas son numéro, non, négro, je veux la baiser tout de suite, biatch. Ok Yanis, hein, même pas besoin du gong, trop fort Yanis, ouais, carré, vraiment, bravo, ouais. Bravo, bravo, bravo, bravo, fort, non. Bon, il ira bien en plus. Ah ouais. Qu'est-ce qui se passe pour toi cette saison Yanis? Comment? Qu'est-ce qui se passe pour toi durant cette saison? Cette saison, il y a deux sorties et deux projets qui vont sortir normalement. Alors, j'espère qu'ils vont voir le jour, il y a plusieurs morceaux qui vont sortir, et je vais faire une collection de t-shirts là, Frère de l'Ombre. Puis voilà, plein de trucs quoi, plein de trucs. Et on peut te suivre où alors? Sur mon Twitter, YanisF2L. Yanis F2L pour récupérer toutes les infos sur Yanis. Voilà, le Facebook c'est Yanis de l'ombre. Et j'entends derrière toi des gens qui veulent dédicacer. Ouais, j'ai un frère, il va dédicacer ses potes là, je vais essayer. Vas-y, vas-y. Wallo. Ouais. Grosse dédicace à Bersa là. Dylan, Ryan, si, combien si. Ici là là. C'est peut-être le gong pour les dédicaces que j'aurais dû prévoir en fait cette saison. Ouais, ça aurait été nous aussi. Je vais réfléchir à ça. Ouais, je fais une petite dédicace. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y, vas-y. Alors, une grosse dédicace à Fabio Rolop qui me fait une grosse, grosse, grosse promo sur Twitter. Gros big up, gros big up, gros big up à DJ Pras. Ah, Hamzon, Samir, Burkadabra, la team F2L. Voilà. On... Eh bah merci à toi Yanis. Ok, merci, pas de soucis. Bah, passe une bonne soirée. Ciao, ciao. Ciao. Bon retour pour ce Planète Rap avec DJ Case, Paris, Oran, New York. J'en profite pour. J'ai un nouveau Twitter. Parce qu'il a été piraté le précédent. Ouais. Ah ouais. Quelle tristesse. Et le nouveau. Un DJ c'est... énervé peut-être. Je sais pas. Je sais pas. Non, ils viennent de. Je sais pas, ils viennent de Chine ou je sais pas. Ah, ils arrivent plus, à. Ouais, des DJ chinois. Et c'est DJ Case Paris, donc @DJKAYZPARIS. Voilà. Voilà, pour retrouver DJ Case. Exactement. Dans un instant, un live avec Sultan et Souf. Alors, tu nous dis un mot sur Souf? Ouais, Souf, bah, il est là. Bah, il est là. C'est moi. Bah, c'est peut-être lui qui va dire un mot sur lui-même. Souf, on l'a découvert sur le net. Mmh. Et, on connaissait son manager. Et on a vu directement qu'il avait de l'impact aussi. Et aussi il chantait très très bien et qu'il était aussi il y avait plusieurs il pouvait faire du rail, du R&B, rapper, il faisait un peu de tout. On aime beaucoup les artistes un petit peu polyvalents. Voilà. Et il est là, c'est un bon résumé Souf. Ouais, c'est ça, exact. En fait moi à la base je chante. Et quand j'ai entendu DJ Case, pour moi c'était Rai. Donc je me suis dit, c'est quoi, d'origine marocaine algérienne, on va faire un petit son rebeu français avec un peu tout, et ça a donné un son terrible. Bah c'est bon, ce qu'on va écouter. Sinon toi on peut te suivre, t'as des projets qui arrivent. Ouais, j'ai un projet qui arrive. Moi ça fait un an et demi que je chante. Et ah oui, repéré quand même assez rapidement. Ouais, un an et demi, et 30 millions de vues sur YouTube. Donc je vais doucement. Il a la cote chez les nanas en plus. Je vais attraper les fans tranquillement. Il a quoi? Il a la cote chez les nanas, beaucoup. Momo zoom sur Souf, s'il te plaît, là, parce qu'il y a les images sur skyrock.fm. Allez cliquer les nanas. Le Maroc. Le charme. Allez cliquer les filles, réagissez, envoyez un message. Ouais, tiens, il y a déjà Estelle qui marque Souf. T'es deux du Maroc, Souf? Rabat. Ah, capitale. Mais je suis Maroc-Algérien. Ma mère est algérienne. Donc alors fini, pardon, je t'ai coupé, tu disais ouais, donc ça fait un an et demi que tu chantes. Ouais, donc je chante, millions de vues, tout ça. J'ai voulu vraiment prendre le temps, je veux pas sortir un album ou un projet à la va-vite, je veux vraiment avoir du public, c'est ce que je suis en train de faire, et normalement là, bientôt, je vais sortir le premier projet. Et on peut te suivre pareil sur le net? Bien sûr, Souf, Facebook. S-O-U-F. S-O-U-F sur Facebook. Et ben on t'écoute maintenant? Yes. Sur le projet Paris, Oran, New York, tout de suite sur Skyrock. DJ Guys, yeah. Paris, Oran, New York, ça fait Souf. Yeah, comment? Stopper, c'est quoi le secret, baby? Ouais, dis-moi comment faire. Tu sais que je viens de loin, tu sais que je fais mon pain. Je dois faire les choses bien. Dis-moi c'est quoi les bails. Moi je veux tout savoir. Dis-moi ce que t'écoutes, je te dirai si je peux t'avoir. Ben ouais, je suis romantique, gentleman, Souf à la brode, à tes côtés. Je me présente enchanté. Ma J'aime trop ses manières. Avec elle, loin de la galère. Dis-moi tout, bébé. J'suis là, je t'écoute, bébé. Eh, ah oui, yeah, yeah, si, non. Fini d'écrire de gouli. Eh, ah, j'en suis qui, habibo. Fini d'écrire, ah oui. Vas-y, chante pour moi, danse. Vas-y, chante, donne, dis-moi, danse. Vas-y, chante pour moi, danse. Vas-y, chante, donne, dis-moi, danse. Vas-y, chante pour moi, danse. Vas-y, chante, donne, dis-moi. Eh, ah oui, yeah, yeah, si, non. Fini d'écrire de goût. Eh, ah, je suis qui, habib. Fini d'écrire, amoui. Oh, j'ai goulé, lié, je sais pas. On t'y est, t'es tous les dix. M'arrivé, ou j'ai essayé. Voilà, souffle à l'instant sur le projet de DJ Kayz, Paris, Oran, New York, le c'est morceau ça. Qui s'appelle Ensorcelé. Ouais, donc ça c'est un inédit, c'est en exclusivité sur Skyrock et c'est un des 25 titres de l'album qui déchire tout. Puisqu'il y a 25 titres inédits. Exactement. Qu'est-ce qui se passe, Reza? Vas-y, donne le micro. Il faut préciser, il y a 25 titres, mais il sort le 25. Exact. Voilà. Lundi. Bah, tout a été travaillé. Hein. Subliminal. C'est pas 25 euros, par contre. Non. C'est moins de 7 euros, on rappelle. Exactement. Si moins de 7 euros, 25 août, 25 titres. Pas mal. Bah ouais, pour la rentrée, pour bien démarrer. Avec Ritza, avec Souf qui est là aussi. Souf, et Sultan aussi. Sultan, est-ce que tu es prêt à nous faire un petit live maintenant? Ouais, on va un peu casser l'ambiance, mais bon. Bah non. C'est bon, si tu planes les trappes, on va dire. Moi, ouais, j'ai écouté son dernier titre, que de la peufra. C'est vraiment de la peufra. Je l'ai écouté hier dans le taxi en Tunisie, je te jure. Hein, il m'a dit, ouais, il y avait Sultan qui était là. Et le morceau il m'a dit que de la peufra. Et le morceau est numéro 1 en Tunisie déjà. Je te promets, c'est vrai, tu viens. Ah, débat. Eh ben, on va l'écouter peut-être maintenant. Je sais pas ce que tu nous fais. Ouais, tu... je vais faire touche à rien que de la peufra, les sons du moment. Allez, maintenant, c'est Sultan en live dans l'émission pour Paris, Oran, New York. DJ Kayz. Hi. Big up à mon gars, DJ Score. Ma fille, Canard. Salut mon vieux, tu me reconnais? Yeah. Sultan. J'entends 22 carrosseries noires mat. Le concessionnaire m'a dit touche à rien. Cinéma, télé, tournée, concert sold out. Les grands du quartier m'ont dit touche à rien. Quelques chèques et plus de zéro pour mon comptable. Voilà mon banquier m'a dit touche à rien. Prod de baiser, celle-là c'est pour tous mes félés. DJ Score, ouais, touche à rien. Touche à rien, touche à rien. Touche à rien, tout ça touche à rien. Touche à rien, touche à rien. Touche à rien, tout ça touche à rien. Touche à rien, touche à rien. Touche à rien, tout ça touche à rien. Touche à rien, touche à rien. Prolique devant leur gueule, ils vont tous à head. Par ici, les mecs et les fameux sont trop bad. Ramène toute ta clique, on les mettra bien. Tes menaces sont du genre catégorie bonne blague. Si les teus mules, c'est que tu restes un chien. Bloqué sur le terrain, on veut passer un autre stade. Et on brûle les pistes pour que tu fasses pas le lien. Tu nous trouves lourds, j'ai envie de dire comme d'hab. Escalbant le sale, vas-y, quitte la tien. Défilé de Magnum, défilé de Mathieu. Ma clique de Gaëté dans la te bois. Ouais, c'est validé, mon DJ barbu. Ça fait, fais-moi un cut, tout le monde lève le doigt. Ah, ah, ah, non, ah, non. Ouais, Scorp, c'est comment? Mettez-vous en levrette, c'est Sultan qui prend les commandes. Ouais, on fait les fous avec des 16 envies des sous. Vous avez tous ce rendez-vous pour une nouvelle mise à la main. Pelé qu'on opère, sortez les gros fers. Mec, tu ne sais tout, ne pas que t'arrêtes de taire. On sera pas lapidé vu qu'on a gagné des pierres. Faut passer la serpillière. Flou nonchalant, il n'a pas de talent. Distille en râlant, écoute ça bien. Refais tes lèvres, non, refais tes ins, non. Refais ton poule, non, touche à rien. Carrosserie noire mat, le concessionnaire m'a dit touche à rien. DJ Kayz, le 25 août dans les bacs, la famille va les soutenir. M'a dit touche à rien. Baiser celle-là c'est pour tous mes filets. J'ai dit DJ Score, ouais, touche à rien. Touche à rien, touche à rien. Touche à rien, touche à rien. Touche à rien, touche à rien. Touche à rien, touche à rien, touche à touche à rien. Touche à rien, touche à rien. Touche à rien, touche à touche à rien. Touche à rien, touche à rien. Brolique devant leur gueule, ils vont toucher à head. Yeah, 25 coups DJ Kayz dans les bacs, la famille. Paris, Oran, New York. Yeah, Sultan, que de la peufra. Allez, témoin le clip sur YouTube. 1-1-1-1-1. New bar. Yeah. Que de la peufra. Que Maïtouki. Que de la peufra. Bagneux, Sevran. Que de la peufra. Mossoulou, 9-3, panier, c'est vrai, que de la peufra. Pesso, c'est nous, t'auras que de la peufra. Leggin, c'est ça, Jordan, DM, Telo, que de la peufra. Sultan et Xo, ce n'est que de la peufra. Quand tu regardes dans le rétro, on est déjà à bord nos vaisseaux. Sans pas les couilles de la 4G, nous on contrôle déjà les réseaux. Le mental est bien d'acier, on passe pas le détecteur métaux. Les colons sont dépassés, indomptables comme ça. Ce genre de son pour vous violenter, par tous les trous je vous la santé. Comme tes amis, tes sources sont comptées. C'est ma tournée, c'est ma volonté. Entre le bout, j'ai perdu mon temps. Je vais faire des sous, je vais faire des montants. Dans 9 The Tour, vous trouverez mon clan. Seul talent, c'est su, c'est mon glin. Le peur, tu nous fais débander. Je baisserai ta mère si mes yeux sont bandés. Derrière, devant, de partout, je vais rentrer. Vous allez vous cambrer. Tenez vos go, perdez vos os. Une fois que c'est crassé, je fais dodo. Tu vas comprendre que le rap c'est haram. Alors après, mon douce, m'en vais pour faire l'auto. Merde, me suis c'est là. Mais tu. Cartacier là. Un coup de cric, on va te faire là. Arrête. Qu'est-ce que tu fais là? Fais là. Fais là. Bien. Paniquez pas, c'est que tu peuras. Pagne ce franc, que la beufra. 9-2, 9-3, pagneux, c'est vrai, que de la peufra. Pesso, c'est nous, t'auras que de la peufra. Leggy, c'est ça, Jordan, DM, Telo, que de la peufra. Sultan et Xo, ce n'est que de la peufra. Quoi, tu regardes dans le rétro, on est déjà à bord nos vaisseaux. Sans pas les couilles de la 4G, nous on contrôle déjà le réseau. Le mental est bien d'acier, on passe pas le détecteur métaux. Les colons sont dépassés, indomptables comme ça, le léto. Yeah! Ouais, Bagneux. On est là, Bagneux, 25 août. Il y a l'album de mon frérot DJ Kaïs dans les bacs. Il faut aller pécho ça, la famille. Yeah! Ensemble. À l'instant en live, Sultan qu'on retrouve. Toujours efficace. Hein. Paris, Oran, New York. Toujours en pleine forme, hein, Sultan. Je fais plaisir à l'instant. Tu prends quoi au petit déj? Ah ouais. Je vais pas te dire, c'est un secret. Que de la peufra. C'est ça. Voilà, que de la peufra. On peut aussi le trouver, pareil, il est dispo. Ouais, faut aller sur YouTube, il y a le clip et voilà. Et bah, allez cliquer, allez voir. Hors série de l'album. Il y en aura plusieurs avant l'album de hors série. T'as une idée de la sortie de l'album ou pas plutôt je 2015? Je pense début 2015, moi. Début 2015? Ouais. Histoire de bien finaliser. Voilà. Et bah, merci d'avoir été là en tout cas ce soir avec nous. Ouais. Sultan était là pour ce planète. En tout cas, frérot, là, les titres que j'ai entendus de ton album, ils sont vraiment lourds. Et tous les invités aussi qui sont là, j'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont fait dans ton projet. Donc, Inch'Allah, beaucoup de réussite à toi, frère. Merci beaucoup. Ce qui est bien, c'est que Sultan, en fait, il écoute pas que du rap, il écoute de tout. Ouais. Et c'est un clubbeur aussi, donc il danse. Ah bon? C'est ah pas oui. Vrai. Première nouvelle. La house. Jamais, moi. Première nouvelle. Moi, je crois pompé pas l'op, du tout. C'est pas le genre, Sultan. Non, pas du tout, hein. Pas du tout. Puriste, mais en même temps, pas fermé. Voilà. Bon, bah, merci d'avoir été avec nous, en tout cas, ce soir. Et on salue donc Marrakech, que tu vas rejoindre. Voilà. Pour le showcase à Marrakech. Merci. Ceux qui auront la chance d'y être, c'est mercredi soir. Osso. Merci à Sana d'être passé aussi. Merci à vous. On te retrouve donc très bientôt. Inch'Allah. Et puis, en attendant, sur l'album de DJ Kaïs. Voilà. On arrive avec le son Jima. Avec Ritza, qui est là aussi. Voilà. Merci beaucoup à vous, en tout cas. Donnez vos infos. Souf. Ouais, filez vos adresses. Ça officiel, Facebook, Twitter, tout ça. Souf, ouais. Pareil pour te retrouver. Yes, moi c'est facile, c'est Souf, S-O-U-F, 4 lettres. Sur Twitter, Facebook, YouTube aussi, vous pouvez mater des vidéos. Voilà, et moi ça reste Tarasana. Gros merci, gros merci à DJ Kaïs vraiment pour l'invitation. C'est un vrai gars. Merci à Justin Record, à Tony, Justin Record, à tous les. Aux deux, franchement, je m'en souviendrai. Merci beaucoup pour ce cadeau. Et bah, on te retrouve donc dans les bacs dès lundi 25 août, aux côtés de DJ Kaïs. Juste avant de se quitter, on fait tourner la roulette. C'est parti. Skyrock t'offre ta compil Planet Rap 2014 Volume 2 et ton iPad mini. Salut Sophie de Bordeaux, ça va bien? Bonsoir Fred, comment vas-tu? Eh ben écoute, content de retrouver tout le monde. Bienvenue Sophie, ça fait plaisir. Eh ben bonsoir et puis bonsoir à DJ Kel, Sana, bonsoir. Rita, tout le monde. Tu as retenu tout le monde. Bien joué Sophie. Bonsoir à toute l'équipe. Sophie, t'es en vacances toi ou tu... Elle a l'air en vacances. Non, pourtant je travaille. Mais toujours la pêche. Les vacances, c'est dans Planète Rap. Voilà, ce soir c'est repos par contre Sophie. Prête à faire tourner la roulette, on y va? Allez, c'est parti. Et par contre, DJ Kaïs, est-ce qu'il peut faire un petit stop avec moi? Un gros stop. Il est connu pour faire des gros stops. On est parti pour crier du swag à 3. Du swag? Ah oui, c'est bien pour bloquer. Du swag à 3. 1, 2... Et 3, du swag. Du swag qu'on retrouve d'ailleurs sur la compile Planète Rap 2014. Merci, qui est un véritable carton. Et ben voilà, on te l'envoie cette compile Planète Rap 2014 volume 2. C'est pour toi Sophie. Cadeau. Ça merci du côté de beaucoup. Bordeaux. Je dis merci. Même, on peut même rajouter un Paris Or en New York, Kaïs. Elle mérite. Largement. Elle mérite parce qu'elle a eu l'originalité de pas dire. Stop, mais du swag. Du swag. Voilà, ouais. Très bien. Merci beaucoup. Et ben la totale pour toi Sophie ce soir. Bravo Sophie. Merci, vous défierez tout. Merci d'être là pour nous cet été avec ce son. Merci encore. On fait plein de bisous, passe une bonne soirée. Ciao, ciao. Merci à vous ciao. Aussi, bonne soirée. Merci à vous tous, Case, demain de retour. Exactement, demain, ouais. On voulait mettre un dernier son. On n'a pas le temps. Ah, je suis désolé. Ben, on en mettra plein demain. Demain, ouais. Et puis tous les soirs de la semaine, entre 20 et 21. Il y a 25 titres, donc 25 août dans les bacs. C'est déjà en précommande. Pareil en New York, ça sort le 25 août. Et toute la semaine, on va faire découvrir tous ces titres. Et ben, merci, Case. Merci à vous tous. Demain, on se retrouve. C'est reparti pour une nouvelle saison Planète Rap 2014-2015. Et là, c'est D-Fool sur Skyrock. Ciao. Yo, yo. Skyrock t'offre